essayer de brosser le portrait de la femme idéale. Je me suis aperçu qu'il n'était pas aisé de mettre sur du papier des notions viscérales. Je la voulais petite, dis-moi pas trop grande, en tout cas fine et mince, donc petit gabarit, afin que je puisse sans effort la prendre dans mes bras et porter ce phare jusqu'au lit. Grâce à leur carnation, pouvant ainsi dorer leurs seins comme les dunes, du sable du désert pour mon admiration, je voudrais de grands bras qui pourraient s'enrouler autour de mes épaules, des jambes longues et nerveuses, des faisceaux d'héros que je pourrais combler de baisers et caresses afin qu'elle soit heureuse. Si le côté physique présente une importance, il ne faut négliger le rôle du caractère. J'ai besoin de quelqu'un qui ait l'intelligence de savoir que parfois il faut plier pour plaire. Grâce à leur carnation, pouvant ainsi dorer leurs seins comme les dunes, du sable du désert pour mon admiration, je la veux souriante, brilleuse et passionnée, peu craint-tu de faire face aux nouvelles expériences. La manière innée, toutes les aventures dans la vie à la science. Il me faut avant tout une fille tendre et câline, amoureuse de la vie, elle serait apaisée. Mon art soutenu avec sa grâce féline, combler mes fantasmes par de violents baisers. Grâce à